La voie qui longe le trottoir de droite est une bande cyclable. Comme son nom l'indique, elle est uniquement réservée aux cyclistes. Comme dans toute voie réservée à une autre catégorie d'usagers, je n'ai le droit ni d'y circuler, ni de m'arrêter, ni d'y stationner. Ce sont des infractions qui peuvent entraîner des amendes et l'enlèvement du véhicule. Je n'imite pas ces véhicules mal stationnés. Réponse B et D.